Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, nous faisons appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires. Merci de votre soutien. Et si vous ne voulez plus entendre de publicité, rendez-vous sur patreon.com/lph. patreon.com/lph. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Zélie contre les monstres de glace. L'histoire que j'ai écrite avec vous. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'aurai une grande question à vous poser. Bonne écoute! Joyeux anniversaire! Zélie prend une grande inspiration et souffle les 8 bougies de son immense gâteau. Aussitôt, la salle à manger est plongée dans le noir. Pourquoi vous avez éteint la lumière? Bah enfin, on est en plein jour. Personne peut faire ça. À moins que ce soit une éclipse. Oh, ça m'étonnerait. Ils n'en ont pas parlé aux informations. Sous un concert d'aboiements et de miaulements, tout le monde sort de la maison pour constater l'impensable. Le soleil, il a disparu? Eh non, ma chérie, c'est impossible. En tout cas, ce n'est pas une éclipse, sinon on verrait une couronne solaire. Comme si quelqu'un avait éteint le soleil? Un peu. Je n'ai jamais entendu parler d'un phénomène aussi étrange. Moi je rentre chez moi. Hein. Tu devrais rester avec nous, maman. Et laisser mes chats, pouf! Ils doivent être dans tous leurs états, pas question. Alors que sa mamie part avec son vieux taco pétaradant, les parents se ruent dans le salon pour allumer Bou FM TV sur un présentateur paniqué. Le soleil a bel et bien disparu. 2 jours passent. Un froid polaire saisit le monde. La neige et la glace recouvrent tout. Plus personne n'ose sortir. Rivés sur les écrans, les yeux des parents de Zélie sont rouges et cernés. Elle les sent inquiets et ça lui fait peur. Alors, elle ne quitte plus son doudou, un petit carré de laine zébrée de couleurs. Un flash spécial tombe. Des monstres de glace envahissent les rues. Ses parents craquent. À la télé, c'est la panique. Zélie a le tournis et monte dans sa chambre se reposer. Le givre grignote sa fenêtre. Bientôt, elle ne verra plus rien. Alors elle en profite. Il est 13h et le monde est plongé dans le noir. Seul l'éclairage public permet d'y voir quelque chose. Son regard se pose sur des traces de pas géantes, accompagnées de tout petits pas. Elle n'était pas là ce matin. Avec un peu de chance, elle pourra retrouver les monstres des glaces et comprendre ce qu'ils font ici. Ni une ni deux, Zélie s'emmitoufle, prend son doudou et se faufile dehors. Un froid sec la saisit et lui pique les joues. Les lampadaires fatiguent, leur lumière vacille. Pas vraiment sûre d'elle, Zélie remonte la piste jusqu'à une poubelle devant laquelle les petits pas s'arrêtent. Prudemment, Zélie s'approche. La poubelle vacille, puis se renverse, répandant une vague de détritus d'où un monstre de glace à peine plus grand que Zélie surgit. Tu t'es fait mal? Maman! Un hurlement déchire l'obscurité. Le sol tremble au rythme des lourds pas de course. Un géant de glace surgit, le visage froncé. Il fusille Zélie du regard et abat son poing rageur sur elle. Zélie est soufflée. Son doudou a surgi de sa poche pour bloquer l'énorme poing, tel un bouclier. Furieux d'avoir manqué son coup, le monstre frappe à nouveau, mais le doudou s'interpose une nouvelle fois. Laisse ma petite fille tranquille, l'affreux! Sa mamie n'a plus rien d'une vieille tricoteuse buveuse de thé. Avec sa combinaison noire, elle ressemble à une super agent secret. 2 pelotes de laine rouge apparaissent entre ses mains. Elle en lance une qui se change en boule de feu et manque l'horreur glacée d'un cheveu. Les pleurs du petit redoublent. Le géant frissonne. Arrête, mamie! Il protège son petit! L'autre pelote s'escamote. Le monstre semble soulagé et prend son enfant dans ses bras. La mamie de Zélie l'aide à se relever. Viens, on a un mystère à résoudre. On ne rentre pas à la maison? Non, j'aurais préféré, mais si ton doudou s'est activé, c'est qu'il est temps de devenir une tricoteuse. Elles arrivent devant son vieux taco et montent dedans. Zélie regarde sa mamie avec de grands yeux. On ne se méfie suffit jamais assez des gens qui y tricotent. Les fondatrices en ont profité pour former une agence internationale de renseignement qui élucide les plus grands mystères du monde. Et je suis prête à parier mon stock de pelotes que tout est lié. Seulement voilà. Elle se penche, ouvre la boîte à gants et sort 3 photos. À peine commencée, mon enquête piétine. Je suis tombée sur 3 entrées scellées. Une bouche d'égout, l'entrée d'une mine abandonnée et la porte d'un château de glace qui a surgi au beau milieu du centre commercial. Impossible de les ouvrir, même avec mes gadgets. Mais toi, tu as ton doudou. Il peut ouvrir les portes ? Ma plus belle création, fait avec des fils de laine pleins de nanorobots. Il est programmé pour te protéger du danger et servir de passe-partout pour que tu puisses te sortir de toutes les situations. Alors, d'après toi, par où doit-on poursuivre notre enquête ? Je dirais le château. Ça pourrait bien servir de base aux grands méchants, non ? Ça tombe sous le sens, mais ça ne va pas être de tourpeau. Et pour cause ? En jaillissant du sol, le château avait transformé le centre commercial en champ de ruines plongé dans l'obscurité. Il leur faut ramper dans la neige, escalader des murs branlants, sauter sur des plateformes prêtes à s'écrouler et échapper à la vigilance des monstres de glace drôlement grognons. Malgré 2-3 frayeurs, elles arrivent près de l'entrée du château, mais une mauvaise surprise les attend. Crénon, il y a un garde maintenant ? Il doit faire au moins 20 mètres de haut. Je vais faire diversion. Toi, tu passes par le côté pour t'approcher de la porte, et quand je crie « Action !», tu pointes la porte du doigt et tu dis « Doudou, ouvre tout !» D'accord. Alors, c'est parti ! Sa mamie fait apparaître 2 pelotes de laine rouge et sort de sa cachette. 2 boules de feu fusent. Le géant grogne, gratte la terre comme un taureau et fonce sur la mamie de Zélie. La jeune fille contient sa peur et se faufile jusqu'à la porte. Au même moment, alors que le monstre n'est plus qu'à un pas d'elle, sa mamie jette une pelote grise au sol qui libère un énorme nuage de fumée. Action ! Zélie pointe la porte du doigt. Doudou, ouvre tout ! Aussitôt, le doudou fuse de sa poche, se détricote pour prendre la forme d'une clé qui s'insère dans la serrure. La porte s'ouvre. Sa mamie émerge de la fumée, prend sa petite fille par la main et l'entraîne à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à se laisser capturer. Pourquoi tu veux faire ça ? On va finir en glaçon ! C'est la manière la plus simple de trouver le maître des lieux. Les méchants adorent terroriser ceux qui les défient. Sauf que le château est désespérément vide. Impossible de se faire capturer. Et puis, miracle ! Au détour d'un couloir, elle tombe sur 2 géants de glace postés devant une immense porte. Coucou les lourdeaux, on s'est perdus. Vous pourriez nous indiquer la sortie ? Les 2 monstres ont l'air de poules face à un cure-dent. Et puis, le plus gros fonce sur elles et les saisit entre ses grosses mains, si gelées qu'une fine couche de glace recouvre leurs habits. La porte s'ouvre. Un homme rondouillard surgit, affublé d'un épais manteau de fourrure qui lui donne un air de buffle à poils longs. Ça aurait pu être comique s'il n'avait pas eu cet éclair de folie dans les yeux. Oh, une gamine et une vieille peau, quel duo! Ma petite fille est fan de château et nous voulions le visiter. Vous dites? Je croyais que c'était le château de la Reine des Neiges. Alors tu dois être oulalalala, tellement déçue, morveuse. Comment osez-vous? Parce que je suis le scientifique le plus machiavélique du monde, le grand Kindless. Alors c'est vous qui êtes derrière tout ce bazar? Oui. On a toujours dit que je jetais un froid, oulala froid, partout où j'allais. Au cours d'une expérience, une brèche s'est ouverte vers le monde gla-gla. Et grâce à son noyau, j'ai pu construire une machine pour éteindre le soleil. Et les monstres, ils sont à vous? En volant leur noyau, leur monde s'est réchauffé. J'en ai profité pour leur offrir notre monde. Et depuis, ces crétins me prêtent pour leur sauveur une aubaine. Les humains sont tellement bêtes, qu'ils les blâmeront, ces monstres, sans savoir que c'est moi. Moi qui suis derrière tout ça. Et votre machine, on peut la voir? Impossible. Elle est cachée. Trop bien, cachée. Je suis sûre que je peux la trouver. Je suis trop forte à ce jeu. Eh bien, bon courage, Baptiste. Elle est cachée dans un labyrinthe infernal dont je suis le seul à connaître l'accès. Bah au moins, on sait quoi chercher, hein. Oh, petit effronté, tu feras moins ta maligne quand tu seras jeté aux oubliettes. Sauf qu'après y avoir été enfermé, aucun garde ne surveille leur cachot. Il ne leur reste qu'à utiliser le doudou pour ouvrir le cachot. Mais dès qu'elles sortent des profondeurs du château, un grognement furieux retentit jusque dans leurs talons. Un énorme chien de glace apparaît suivi de 10 autres. Leur gueule entr'ouverte laisse apparaître des dents gigantesques, irrégulières et aiguisées. Deux pelotes enflammées touchent au but. Deux colonnes de vapeur s'élèvent là où deux chiens allaient leur sauter dessus. Cours ! Zélie et sa mamie battent tous les records de vitesse. Aidées par des pelotes explosives, gluantes ou toiles d'araignée, elles arrivent à distancer la meute, mais débouchent dans une salle sans issue, dans laquelle est plantée une arche de pierre. Par toutes les aiguilles, sortons de là tant qu'on peut! Trop tard, des chiens de glace leur barrent la route. En un clin d'œil, elles sont encerclées par une vingtaine de molosses. Même avec les talons de sa mamie et son doudou, le compte est vite fait. Personne ne bouge. Après une longue minute, Kindless apparaît. Oh, quelle ironie! Votre histoire va prendre fin dans la salle du portail. Dommage que vous n'ayez pas la clé pour l'ouvrir. Quoi? Mais alors Zélie peut l'activer. Doudou, ouvre tout! Aussitôt, une surface argentée ondoie dans l'arche avant de bouillir follement. Les molosses reculent, la queue entre les jambes. Sale gamine! Tu as tout détraqué, ça va exploser! Kindless prend ses jambes à son cou, Zélie la main de sa mamie et s'engouffre dans le portail bouillonnant. Un clignement d'yeux plus tard, elles sont recrachées sur un sol en pierre. Derrière elles, le portail est en ruine. Devant elles, se dressent les murs infranchissables du labyrinthe, fendus par une petite ouverture. En pénétrant dans le labyrinthe, l'ouverture se referme, un compte à rebours apparaît au-dessus de leur tête. Il leur reste 10 minutes. Avant quoi? Aucune idée, mais je ne veux pas le savoir. Hâtons-nous! Elles foncent dans le couloir jusqu'à ce que le sol en pierre se change en gazon. Dès qu'elle y pose un pied, l'herbe pousse d'un coup pour former une épaisse forêt de tiges. Faute de gadgets pour tout couper, elles n'ont pas d'autre choix que de traverser. La progression est pénible. À chaque pas, elles ont l'impression de s'empêtrer dans un sac de fil. Mais leurs efforts payent, et après 2 minutes, elles sont de l'autre côté. Il ne reste plus que 7 minutes 40 secondes. 4 chemins s'offrent à elles. Le premier qu'elles empruntent est un cul-de-sac. Le second aussi. Même chose pour le troisième. Sauf qu'en rebroussant chemin, elles tombent sur un mur. Elles sont coincées. Bah voilà autre chose. Peut-être qu'on a marché sur un bouton. On aurait entendu un mécanisme. Intriguée, Zélie veut toucher le mur, mais sa main passe au travers. Ce n'était qu'une illusion. Nos deux héroïnes foncent vers le 4e chemin qui les amène dans une pièce vide au bout de laquelle se trouve une ouverture. Ça ne peut pas être aussi simple. La mamie de Zélie avance, prudemment, et se cogne contre quelque chose qu'elle ne voit pas. Après quelques tâtonnements, elle comprend que c'est un mur invisible. Contrainte d'avancer sans voir les murs, Zélie et sa mamie progressent aussi vite que des tortues. Mais elles finissent par franchir ce nouvel obstacle. Il ne leur reste plus que 5 minutes 12 secondes au compteur. Nouvel embranchement. À droite, un panneau indique un chantier. À gauche, aucune indication. Face à un piège aussi nul, aucune hésitation. Elles partent à droite. Sauf que le couloir ne tarde pas à être barré par un échafaudage titanesque qui s'étend au-dessus du vide. Des tas de petits robots semblables à des poulpes s'affairent, sans se soucier de Zélie et de sa mamie. Elles rebroussent chemin et foncent dans l'autre couloir. Après quelques enjambées, elle croise deux miroirs accrochés au mur. Par réflexe, Zélie regarde son reflet. C'est rigolo, non ? Mais personne ne lui répond. Mamie ? Zélie n'est plus dans le couloir, mais dans une pièce dans laquelle se trouvent d'autres miroirs. Quand elle en examine un, elle est projetée dans une autre pièce. Son regard en croise un autre, et la voilà dans une nouvelle salle. Elle ferme les yeux, souffle pour chasser la panique. Il doit y avoir un miroir qui mène vers la sortie. Seule solution, tous les essayer. En prenant une précaution, marquer ce qu'elle utilise à l'aide de l'anneau de son porte-clés. Et ça marche. Au 42e miroir, Zélie atterrit dans une pièce où elle retrouve sa mamie, épuisée. Plus que 29 secondes. Seule issue, un tunnel étroit et obscur, même si l'on voit de la lumière au bout. Il ne doit pas être bien long, sauf qu'à l'intérieur, ça grouille et ça siffle. Ça ne m'a pas l'air bien méchant, juste dégoûtant. Ferme bien les yeux et la bouche. À peine engouffrée, des tas de bestioles lui grimpent dessus. D'autres lui tombent dans les cheveux, lui chatouillent les oreilles et le nez. Une décharge de peur la propulse en un rien de temps dans une nouvelle pièce. Elle sautille, se frotte les cheveux en se retenant de hurler. Des dizaines de bestioles, gluantes et rampantes, tombent au sol et se précipitent dans le tuyau. Au centre d'une immense salle, une sphère bleutée est sertie sur une machine monstrueuse d'où jaillit un rayon lumineux qui se perd dans les hauteurs obscures du labyrinthe. Il ne reste plus que 10 secondes au compteur. Elle se précipite. Sa mamie trébuche. 8 secondes. Zélie a les poumons qui brûlent. 6 secondes. Elle y est presque. 4 secondes. Ses jambes défaillent. 2 secondes. Sa mamie se jette vers un gros levier, mais le manque d'un millimètre. 0 seconde. Le sol tremble et se fend en deux. Une taupe à tête de pieuvre dont la face n'est qu'un amas de tentacules surgit. Ses yeux jaunes brillent de malveillance. Exténuée, la mamie de Zélie se relève quand même, prête au combat. Mais Zélie aperçoit un drôle de collier autour du cou du monstre. Sans réfléchir, elle le pointe et prononce sa formule. « Doudou, ouvre tout !» Le doudou fuse vers le monstre, se changeant en une minuscule clé qui se fiche dans le collier et l'ouvre. La taupe tentaculaire se détend, cligne des yeux avant de s'enfoncer dans les profondeurs. Sa mamie abaisse le levier. Le noyau glagla se déloge de la machine et le rayon s'arrête. Les murs tremblent, pivotent pour former un long couloir au bout duquel se trouve le portail par lequel elles sont arrivées. L'arche est comme neuve, reconstruite par 5 petits robots semblables à ceux du chantier. Tu crois que ça va marcher ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Doudou, ouvre tout ! Cette fois, la surface argentée ne bout pas. Elles réapparaissent dans la salle du château cernée par les monstres de glace. Tous louchent sur le noyau. Zélie leur tend. Ils hésitent. Elle insiste. Le plus grand d'entre eux le prend délicatement avant d'entamer un drôle de chant qui résonne comme une avalanche. Une tempête de neige s'engouffre dans le château. Puis tout redevient silence. Zélie et sa mamie sentent la chaleur du soleil leur chatouiller le nez. Les monstres et le château ont disparu. Il est temps pour elles de rentrer et de profiter d'un repos bien mérité. Voilà les enfants, c'était notre première histoire. Vous avez envie qu'on écrive la suite ensemble ? Dites-le moi sur telming.com/lph. telming.com/lph. Et n'oubliez pas, si vous aimez les petites histoires, parlez-en autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.